Invité de ce journal, Roland Cayrol, bonjour. Donc vous êtes politologue, chercheur associé à Sciences Po. Nicolas Sarkozy, on vient de l'entendre, avait fait une affaire très personnelle du maintien du triple A. Est-ce que cette perte du triple A est un échec personnel pour Nicolas Sarkozy? C'est en tout cas un sale coup politique, pile à 100 jours d'un scrutin présidentiel. On se demande d'ailleurs quel conseiller avait suivi Nicolas Sarkozy en acceptant de faire de ce triple A quelque chose de si fondamental pour lui. Les mots ont été incroyables. Trésor national dans la bouche du chef de l'État. Talisman, disait Alain Minc. Voilà, c'est assez terrible, alors que les Français ne connaissaient pas bien ces histoires de triple A, de l'avoir tellement mis en avant que c'est soi-même qui en prend l'effet boomerang à ce point. Donc oui, évidemment, c'est un échec politique difficile, grave. Ça ne veut pas dire qu'il est insurmontable, ça ne veut pas dire que l'élection est faite, du tout. D'autant que cette dégradation, comme on dit, de la note de la France, ça va peser sur tous les programmes politiques. Ça oblige les uns et les autres à prendre en compte les nécessités de la rigueur dans la gestion. Mais c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour le candidat Nicolas Sarkozy. Alors, paradoxalement, soyons un peu tordus, est-ce que Nicolas Sarkozy pourrait, à long terme, ressortir renforcé de cette dégradation en imposant, par exemple, l'idée d'une rigueur nécessaire qu'il serait le seul à pouvoir imposer? C'est probablement le type de communication politique qu'il devrait finir par adopter, comme l'ont fait avant lui Cameron en Grande-Bretagne, Angela Merkel en Allemagne ou Mario Monti en Italie. C'est de dire il y a besoin maintenant d'une espèce de cohésion politique et sociale au service d'une politique qui soit, pour le coup, la vraie rigueur, alors que jusqu'à maintenant, on n'a pris que des mesures qui, finalement, ont été facilement absorbées par la société française. Jusqu'à maintenant, Nicolas Sarkozy s'y est refusé, en disant au contraire « je ne veux pas d'une politique d'austérité », ce qui voudrait dire baisser les salaires et les pensions de retraite, pas question. Bon, est-ce que entre ce qu'il a accepté de faire et la baisse générale des salaires, il n'y a tout de même pas des possibilités de montrer qu'on a en effet du courage et de la responsabilité, quitte à engager des mesures impopulaires? C'est en effet ce qui lui est dicté par les autres partis conservateurs européens, avec un certain succès d'opinion en Angleterre en ce moment. Est-ce que c'est possible en France? Là, c'est une décision politique essentielle pour le candidat. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour François Hollande ou François Bayrou? Écoutez, pour François Bayrou, il peut rappeler tout de même qu'il est le seul qui, il y a 5 ans déjà comme candidat présidentiel, avait mis à ce point l'accent sur la dette et les déficits publics et montré que ça guidait toute politique économique possible pour la France. Il a, de ce point de vue, l'avance de quelqu'un qui avait pris une dimension présidentielle précisément sur ces problèmes. François Hollande, oui, évidemment, il a tellement montrer que Nicolas Sarkozy s'arc-boutait sur cette note de la France de façon déraisonnable, c'est dégradé, il peut dire, c'est une bonne nouvelle politique pour lui. Maintenant, la difficulté pour Bayrou, pour Hollande et pour les autres, c'est de prendre en compte cette nécessité désormais, parce qu'après tout, si la France voit sa note abaisser, c'est parce que la croissance n'existe plus, que le chômage est là, que la dette et les déficits sont là. C'est que, objectivement, la situation de la France est économiquement calamiteuse. Ça contraint François Hollande, dans la préparation de son programme du 24 janvier prochain, à être incroyablement raisonnable, à faire les comptes et à ne pas lancer trop de promesses qu'il serait inévitable de ne pas pouvoir tenir. Et ce timing de dégradation, 3 mois avant le premier tour, est-ce que ça ne rabat finalement pas toutes les cartes? Oui, d'une certaine façon, on peut dire ça. Parce que maintenant, tout le monde dit, on s'y attendait. Bien sûr, on s'y attendait. Depuis que Moody's, le 18 octobre, avait donné 3 mois à la France pour se refaire, on savait bien qu'entre Standard & Poor's et Moody's, ça serait avant le 18 janvier que ça se déciderait. Et on avait beau le savoir, on n'a pas le sentiment qu'il y a eu réellement une réflexion importante dans les dirigeants politiques français, ni à droite au pouvoir, ni d'ailleurs à gauche dans l'opposition ou au centre, une véritable réflexion sur les moyens soit d'éviter la dégradation de la note, soit en tout cas de mettre en marche une politique qui permette de restaurer les grandes variables de l'économie française. Bah, désormais, puisque nous attendons précisément les grands programmes des grands candidats pour les petites semaines à venir, bah, ça les met devant leurs responsabilités. Oui, les cartes sont rebattues sur le plan économique, mais aussi en même temps sur le plan politique. Et donc tout reste possible ? Tout reste possible parce que c'est au moment de l'élection présidentielle que l'opinion française est la plus fluctuante. Chaque fois, on le voit, les Français bougent incroyablement leurs intentions de vote pendant une campagne présidentielle. Rappelez-vous la dernière fois, Bayrou qui est passé de 3 ou 4% à 18,5% l'espace de 2 mois. Voilà, les Français écoutent, regardent avec passion les campagnes présidentielles et ça les fait changer d'opinion et d'intention de vote. C'est ce qui pourrait se passer encore cette fois-ci. Merci à vous, Roland Cayrol. J'ajoute que votre prochain livre sortira la semaine prochaine aux éditions Fayard. Son titre, Tenez enfin vos promesses.